Hey, salut Kiwan. Salut Matt. Est-ce que tu connais Assemblage requis? Ben oui, ça a l'air que c'est la nouvelle émission du retour assez fou. C'est du lundi au jeudi de 15 à 17 heures. C'est animé par toi, Mathieu Plante, et moi, Kiwan La Liberté. Mais c'est plus que ça, Mathieu. C'est plus qu'une émission. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette émission, en fait? Mais dans l'émission Kiwan, il va y avoir un paquet de bonne musique. Premièrement, ça va être pas mal moitié-moitié musique et contenu. On va recevoir une tonne de chroniqueurs qui vont venir nous parler de plein de choses. Ça peut être des critiques d'albums, ça peut être un spectacle qu'ils ont vu. Moi, je vais parler de technologie aussi. Je vais ramener plein de bons sujets technologiques dans cette émission-là, Assemblage requis. On va faire la couverture de ce qui se passe aussi côté culturel à Trois-Rivières. Il va y avoir des entrevues avec les artistes qui sont de passage à Trois-Rivières. Il va y avoir des prestations aussi dans l'émission, des concours. Mais il va y avoir plus que ça aussi. Ça va dépasser le médium de la radio. Il va y avoir une portion web aussi. Oui, ça, sur assemblagerequis.com, on va mettre là-dessus, bon, évidemment, le contenu de l'émission de la journée. Vous allez tout pouvoir savoir sur le web aussi. Vous allez pouvoir écouter l'émission sur le web en MP3. Vous allez pouvoir aussi voir du contenu exclusif qu'on va faire seulement pour le blog. Donc, des chroniqueurs vont venir alimenter ce blog-là super souvent, espérons-le. Et puis, on espère que ça va rajouter une certaine valeur à notre émission. Et éventuellement, les capsules que vous écoutez présentement qui sont audio seront une portion web télé où on mettra des entrevues et puis plein de trucs vidéo qu'on essaiera d'alimenter le plus souvent possible à chaque semaine. Oui, ce qu'on espère faire après, mettons, avoir reçu un artiste en entrevue à la radio, on pourrait lui demander d'autres affaires, des affaires qu'on pourrait rajouter comme ça sur le web, des exclusivités. Ça va être intéressant. Il va falloir aller voir l'assemblagerequis.com. Donc oui, c'est ça. Ça sera à suivre régulièrement sur le assemblagerequis.com et aussi sur les ondes de la radio, le 89.1 FM. C'est fou. Donc, on va se retrouver pour une autre capsule d'Assemblage requis très bientôt sur assemblagerequis.com. Et sinon, ben, notre émission est lancée à partir du 24 août. Ça va être de 15h à 17h, du lundi au jeudi. Et évidemment, on continue d'animer les palmarès C'est fou les vendredis soirs à 17h. C'était Mathieu Plante. Et Kiwan. Pour assemblagerequis.com.